Toi, moi, c'est qui le prochain à se faire tuer par les policiers? Je sais pas, je suis perdu. Dans ce monde où les policiers sont plus des sauveurs de vie, mais des tueurs d'ethnie. Pendant que les ethnies payent l'impôt, stimulent l'économie et se battent pour le pays. Qu'est-ce que les Blancs ont que les Noirs ont pas? Qu'est-ce que les Blancs font que les Noirs font pas? Je sais pas, mon esprit est pris. Maintenant, avec mon rosy, mon corps est aussi pris. Je suis pas l'esclave de personne. J'ai eu ma première arme, j'avais à peine 14 ans. J'ai tiré, on m'a tiré, ils m'ont manqué. J'ai à peine 20 ans. Trois de mes frères sont morts, à peine 25 ans. Où sont leurs âmes? Je pleure, je saigne. Je m'ennuie de ma famille, de mon crew. Serons-nous un jour libres? Serons-nous un jour heureux? Je sais pas pour toi, mais pas moi. Toi, moi, c'est qui le prochain à se faire tuer par les policiers? Je serai jamais libre. J'ai déjà perdu mon équilibre. Hardcore est mon intérim dans mes rimes. Sans mort, menace, c'est ma réalité. Dans ce monde où tu peux te faire tuer à tout moment, c'est plus une question de justice, mais raciste. Les policiers sont des tueurs de minorités. Non, des officiers de la liberté. La description se décrit comme suit. C'est un immigrant, t'es coupable obligatoirement, comme Anthony Griffin et Marcellus François, qui sont fait tuer par des policiers. Jamais coupables, punissables, les policiers et policières depuis l'histoire Barnabé invariablement sont solidaires un à un, d'épaule à épaule, ils s'épaulent, peu importe le crime et sa gravité. Exemple numéro 1, le LAPD et Ronnie King. Mais j'aimerais les voir un à un dans le noir, sans armes ni collègues. Je leur lèguerai un à un la définition du mot « nègre ». Je les ramasserai comme jadis mon peuple ramassait du coton. Leur donnerai une leçon sans pardon, mais pour l'instant, relaxons. Car entre moi pis toi, ça pourrait être moi le prochain à se faire tuer par les policiers. Moi, toi, c'est qui le prochain? C'est qui le prochain qui vont te tuer? Ce texte est dédié aux policiers qui abusent de leur pouvoir, pas à ceux qui font leur job. Peace. Freestyle pour l'histoire. Freestyle pour l'histoire. Peace au cousin Tony Montana que la police a tué. Pas toutes les familles que la police a battues ou tuées. Un membre, quelqu'un qui aimait. C'est la fin du côté, je sais pas trop. J'suis un peu fucked up. Non, j'ai rien pris, je suis juste bien fatigué puis bien écœuré. Puis lire un texte comme ça, ben, ça m'affecte. Beaucoup.